spécialement pour la team Jules. Yo. La 5 à 5 je le nique, ceux qui partent de moi je le nique. Quand je vois ces petites salopes qui me piquent, j'ai envie de leur mettre tous de la kick. C'est des bouffards de kick, ils reviennent un peu quand je kick. Dans l'ombrelle et la clique, ma couille, je suis pas sympathique. Je suis le gosse, t'es là, tu vois que mon côté Saint-Patrick. Les jeunes veulent faire la biche pour avoir la Philippe Patek. Et de là en sur les becs, à Marseille rien que ça gratte. Rien que ça crie, des feux ça lève. Ça braque la rode pour vendre du shit, de la cocotte, du crack. Et après des portes ça clique, ça croit que le monde est à eux. C'est carré, se font péter, ils diront toujours que c'est pas eux. Pas de panique, pas de boy satanique. Je reviens vénère cette année, je remets une saltanée. Ils voudront voir couler comme Titanic. Je prêtais mon cœur sans demander la caution. Ça me l'a abîmé, depuis j'ai peur, je m'en paie sous potion. J'oublie de dîner, je suis dans la cage, j'envoie la rafale. Demande à la oui, choque les dos, tu vas voir comme ils viendront te bouffer les clés. Oui, et quand je fume sur le cannabis, je ferme les yeux, je suis au Bahamas. Je suis toujours dans la zone à risque, là où tout le monde veut se faire sa place. Moi je m'abiche, qui a cassé la dèche, c'est ça qu'il faut savoir, jamais je m'abiche. Toi tu te montres blèche, j'ai du mal à te croire, je pète mon pet. J'écoute Marcel dans les R7, ou un FZ, je touche pas la 07. J'ai pas de CZ, mais je peux en avoir un, sans faire le parrain. Surveille tes paroles, parce que si tu me laisses, moi je t'insulte tes parents. Et tu peux revenir à 40, tu fais parler les chiffres, je fais parler le talent. Fais-moi un boss devant la cage et je le mettrai du talent. J'ai laissé le beat dans le salon, je suis zoner sur ma cadam. Un peu plus tard j'ai RDB, je vais aller au resto avec madame. Je prends le refus comme un thème, je sais que j'allais au virage m'attendre. Je vais devoir encore les choquer parce qu'avec moi ils sont pas tendres. Que j'envoie de la patate, je suis pas le king, je suis pas la pour, je suis pas pressé, je prends toujours mon temps. Même quand je suis à la bourre, 2019, j'ai plus d'émotion, j'ai plus trop d'amour. À part quand je suis dans le 4 mon sang et que je m'écoute du Aznavour. C'est l'été, si tu pars à la gratte, mais mon sang savoure, y'a de la saveur, y'a des choses à faire. La nuit et le jour, est-ce que pas ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui fait platine? La zone en personne dans la C. Lul, quand tu te sens angoissé, ça sort de la balle, tout sans les lacets. Ça veut tout casser, Joe veut faire des sous et tasser. Qui t'a crié à rack, quand les cibles vont passer, fais gaffe les flics en bas. Quand tu traînes en bas, quand tu es posé en bande, dès que tu vois pas que le temps passe, je rappe la rue, le petit sur le stand, le grand dans l'audi, qui veut sortir maman de la caisse et de tous ces endroits maudits. Et chapeau d'eau, je te sens pas chez bancal. Quand tu me tares la joue maintenant, tu sais que j'essaie. Maintenant tu sais ce que je pense, je tourne en rang. Quand j'ai rien à faire, j'en ai marre du sud, 2h du mat. Merde, tu te niques, il me reste blondé, un stick et les charbons, ils ont tous fermé. Là, je suis maladé, oh, il me reste plus qu'à rentrer chez moi, faire une douche, mais dans les lits, oh, j'ai mis le casque intégral. Je t'ai croisé, t'es pâle. Ils sont où ceux qui t'épaulent, hein? Tu fais moins ta folle, mon ami, c'est mon pétou. Il sait tout, c'est lui qui me donne des idées, c'est grâce à lui que j'oublie tout. J'ai un peu d'herbe, je boite la belvédère dans mon coin tranquillou. T'as une tête, elle fait peur, on dirait t'as fait passer 30 kilos à l'arqué. Tu veux te barrer loin d'ici, déjà elle leur vise. Parce que y'a personne quand tu mal ou que tu demandes un service. Écoute-moi bien, j'oublie pas d'où je viens et que j'étais ancien, parti de rien. L'homme n'est galérien qui traînait sur le terrain à la gratte, t'observes les touristes, posté devant le guiche à la fille d'un riche. Do you speak English? T'as tout dans la poche gauche, wesh. J'envoie des bastoches, wesh. Choc des tontons, wesh. Shake que tontons, wesh. Popopopo, wesh. Mini pile, j'ai rechargé la pile, je fais des sons en pile. Ramène-moi ton MC que je l'encule. Sorti de l'ombre, ça m'a pas vu venir, je vais pas un marrant. Je trouve ça marrant, moi. C'est pas des lol. Ce soir à Skyrock, c'est pas des lol. Ce soir à Skyrock, c'est pas des lol. Ce soir à Skyrock, c'est pas des lol. Ce soir à Skyrock, c'est pas des lol. Ce soir à Skyrock, c'est pas des lol.